Le porte-parole du comité de mesures extraordinaires pour le secours des victimes de l'enlèvement forcé de la République populaire démocratique de Corée a publié le 21 courant un entretien qui dit notamment « Malgré la protestation véhémente et la demande de l'intérieur du pays et du monde pour leur renvoi, la bande de Bakouné qui détient pendant plus de 4 mois nos citoyennes kidnappées a publié de les avoir intégrées dans la société. » Parallèlement, les autorités et les conservateurs d'extrême droite prétendent qu'il n'y a plus de raison que le Nord parle de la détention forcée de nos filles. Cela est un nouveau complot lâche pour couvrir à jamais la vérité de l'enlèvement collectif sans précédent, repousser les critiques sociaux sur la détention forcée de nos citoyennes et la pression de l'opinion publique du pays et du monde, demandant la rencontre avec leurs parents et leur retour dans la patrie. Au début, les agents de renseignement sud-coréens avaient fait bruyamment publicité de nos citoyennes à peine les avoir amenées collectivement en Corée du Sud et affiché même leurs photos. Mais aujourd'hui, ils prétendent ne pas pouvoir les mettre en public à cause de la protection de leur sécurité. Voilà du sophisme absurde et infantile. Mais il faut dire que s'ils ne peuvent pas les laisser exprimer librement la volonté, ce n'est pas à cause de la protection de leur sécurité, mais parce qu'ils ont peur de la mise en public de leurs crimes de kidnapping et actes anti-humains. Impossible de fléchir la détermination et la volonté de nos citoyennes de regagner la patrie par toutes sortes d'ensorcellements et de menaces, la bande de Bakouné cherche à les renfermer à jamais dans un endroit désert une fois pour toutes et à en faire pratiquement impotente. Vu la cruauté et la sauvagerie de la bande des traîtres, il se peut qu'il y ait déjà celles qui sont mortes parmi les détenues. Le dernier complot d'installation de nos citoyennes dans la société est un défi scélère contre notre revendication juste de renvoyer sans condition nos citoyennes et la demande unanime de l'opinion publique du pays et du monde. Divers milieux sud-coréens et la conscience du monde ne doivent point tolérer la conduite sauvage et inhumaine de la bande de Bakouné. Jamais nous ne tolérerons le crime d'enlèvement collectif et l'acte inhumain des traîtres sud-coréens. Et nous continuerons jusqu'à la fin la lutte pour finir par les sauver et les ramener dans la patrie.